Amis humains, bonjour. Mutation industrielle. Par ces mots, les tenants du pouvoir politique et économique cachent leur incapacité à imposer aux super patrons une autre stratégie visant à rendre plus social ce système politique. Nous savons tout ce qui provoque cette situation. La recherche du profit coûte que coûte en délocalisant les productions à l'étranger vers des États encore plus pauvres où la main d'œuvre est exploitée dans les pires conditions, ce qui a pour effet de fermer nos entreprises et de réduire, dans notre pays, l'emploi, ce qui a pour conséquence la baisse des cotisations dans les caisses de retraite et sécurité sociale. Dans le même temps, ces super patrons pratiquent le chantage à l'emploi en imposant des subventions, des exonérations de taxes ou de charges sociales. Ils négocient des plans de financement avec les politiques pour mieux piller les fonds de l'État sans que pour autant s'améliore la situation de l'emploi. Par des moyens détournés, ces maîtres du mensonge, de l'escamotage et de la dialectique nous font croire que sans eux nous ne sommes rien. De ce fait, ils perpétuent et renforcent leur système. En pratiquant de la sorte, avec leurs médias dont ils sont propriétaires, ils pratiquent un lavage de cerveau du peuple et ce de manière permanente. Avec leur langage bien étudié, ces maîtres de l'illusion utilisent des termes pompants comme « technicien de surface » à la place de « balayeur », tentent de nous rassurer alors que rien ne change ni en conditions de travail ni en rémunération. Pour eux, mutation industrielle n'est rien d'autre que la disparition de nos industries dont ils sont responsables. Ce qui nous importe, ce n'est pas la couverture, mais le contenu du livre. Dans ce contexte, la classe politique qui gouverne depuis des décennies en alternance n'a rien fait d'autre que de se plier, voire se vendre, aux objectifs de ses super patrons. Ces politiciens ne peuvent pas ignorer la casse de l'emploi, l'état de délabrement de nos institutions sociales, de la misère qui sévit parmi les catégories les plus défavorisées. Mais être élu à l'Assemblée nationale, être ministre ou président de la République, cette notoriété financière vaut bien une servitude. Arrêtez vos langages phrases. Vos labyrinthes de mots. Nous ne souffrons pas de mutation industrielle, pas plus que de crise du pétrole ou de toute autre raison fallacieuse, nous sommes tout simplement victimes d'un système basé sur l'intérêt d'une minorité de nantis au détriment de la majorité du peuple. C'était une sélection radio parasite. À bientôt et grosse bise numérique.